L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il aura fallu à peine un mois de prise de données par la sonde MAVEN en orbite autour de Mars pour qu'on en connaisse déjà beaucoup plus sur la façon dont Mars aurait perdu son atmosphère. La sonde américaine MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, lancée en novembre 2013 par la NASA, a débuté ses opérations scientifiques le 16 novembre dernier, peu de temps après le passage très proche de la comète Seelig-Spring, au cours duquel les scientifiques de la NASA ont dû exceptionnellement protéger la sonde en modifiant sa trajectoire. Les premières observations viennent d'être rendues publiques par la NASA et montrent l'existence d'un nouveau processus physico-chimique qui pourrait expliquer comment l'atmosphère de Mars a disparu. Ce phénomène serait lié à la pénétration du vent solaire très en profondeur dans l'atmosphère martienne. Et MAVEN a également pu trouver quelques indications sur la composition de la haute atmosphère de Mars, ainsi que son ionosphère. Le responsable de la mission, Bruce Jakovsky, du Laboratory for Atmospheric and Space Physics de l'Université du Colorado, précise « Nous commençons à voir les liens qui existent dans une chaîne d'événements qui débutent par des processus ayant le Soleil pour origine et qui vont agir sur le gaz de la haute atmosphère et mènent à une perte atmosphérique. » À chaque orbite autour de la planète rouge, MAVEN frôle l'ionosphère de Mars, cette couche d'ions et d'électrons qui s'étend entre 100 et 450 km d'altitude. Cette petite couche joue le rôle d'un petit bouclier contre l'intense vent solaire, des protons énergétiques. MAVEN a pu mettre en évidence, grâce à son instrument Solar Wind Ion Analyzer, qu'un flux non négligeable de particules solaires parvenait quand même à traverser ce maigre bouclier sans être défléchi et à pénétrer profondément dans la haute atmosphère martienne. Il semble que les interactions qui ont lieu ensuite produisent des courants de particules neutres pouvant pénétrer encore à plus basse altitude avant de produire à nouveau des ions chargés par de nouvelles interactions atmosphériques à beaucoup plus basse altitude. C'est l'instrument Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer de MAVEN qui, grâce à l'analyse fine de la composition de la haute atmosphère et de l'ionosphère, explore la nature du réservoir gazeux d'où s'échappe l'atmosphère de Mars vers l'espace. Ce spectromètre a permis de mesurer l'abondance de nombreux gaz sous forme ionique ou neutre, révélant la présence de structures bien définies dans la haute atmosphère, contrastant avec les basses couches où les gaz sont très mélangés. Ces fortes variations d'abondance dans le temps vont permettre de mieux comprendre comment fonctionnent la physique et la chimie dans ces régions, et a d'ores et déjà permis de mettre en évidence l'existence insoupçonnée auparavant d'une météo dans les hautes altitudes martiennes, des mouvements importants des couches atmosphériques. La façon par laquelle Mars perd son gaz de son atmosphère a pu être observée grâce à l'instrument statique Superthermal and Thermal Ion Composition. À peine quelques heures après sa mise en route, MAVEN a détecté un jet de gaz ionisé au niveau du pôle de Mars, s'échappant vers le vide interplanétaire. Eh bien, il apparaît que le gaz ionisé s'échauffe de plus en plus lorsqu'il monte en altitude, jusqu'à atteindre la vitesse d'échappement qui le libère finalement et définitivement de la gravité martienne. MAVEN est en pleine forme et va continuer à scruter la planète rouge pour encore quelques années. À ce rythme, on aura peut-être tout compris de l'atmosphère de Mars avant la fin de la mission. On retrouve cette information, ces premiers résultats de MAVEN, donc dans un communiqué de la NASA du Goddard Space Flight Center qui est paru le 15 décembre 2014. Je mets le lien, comme d'habitude, à la fin de ce post. À bientôt sur Ça se passe là-haut.